Intégrer sa vibration dans la parole et l'action. Partie 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! En fait, le développement de la parole vibratoire, c'est comme pour développer la capacité d'utiliser un instrument de musique. Au début, la personne, quand elle apprend à jouer d'un instrument, il est possible qu'elle fasse plusieurs fausses notes et elle doit être capable de se réajuster. Il faut être persévérant parce que ça peut prendre plusieurs mois pour quelqu'un à être capable de jouer juste de l'instrument. Donc, quelqu'un, par exemple, qui apprend à jouer de la guitare, elle doit apprendre à être capable de pincer adéquatement les cordes d'une main, ensuite de l'autre main, être capable de réaliser adéquatement les accords, donc positionner comme il faut les doigts. Donc, c'est très rare, les gens qui sont les virtuoses de la guitare et à être des gens qui vont composer de la musique et très créatifs du jour au lendemain, là, c'est très, très, très rare. Par rapport à la musique, peut-être que des gens qui, dans des vies antérieures, avaient déjà joué de la musique, vont être capables de se rebrancher rapidement à cette mémoire du passé et va leur permettre d'apprendre rapidement à jouer d'un instrument de musique dans l'existence présente. Ça peut être le cas, par exemple, d'une jeune fille de 5 ans qui est déjà à cet âge une virtuose du violon, alors qu'un individu qui peut passer 20 ou 30 ans pour arriver au même résultat dans sa vie présente. Mais ce qu'il faut mettre en contexte, c'est que si cette jeune fille a déjà joué de cet instrument ou d'un autre instrument de musique dans une vie antérieure, eh bien, ça se peut que ça l'aide à lui permettre d'exceller dans la maîtrise de l'instrument de musique en quelque temps. Mais c'est extrêmement rare que les gens apprennent du jour au lendemain à jouer d'un instrument de musique et d'exceller. C'est la même chose pour la parole vibratoire, à part des cas particuliers. C'est sûr que si la personne provient d'une civilisation où elle vivait sur une planète où tous les gens canalisent et ça fait partie du quotidien, et elle a vécu sur cette planète-là pendant plusieurs vies, la personne se réincarne sur Terre en tant qu'âme, comme elle a cette mémoire de cette capacité qui est là, ça se peut que au moment voulu, cette capacité se réactive extrêmement vite et elle va performer rapidement. Mais ce n'est pas nécessairement le lot de tout le monde, tout dépendant des vies antérieures, là. C'est sûr que, comme pour la maîtrise de la guitare, bien, la personne peut s'enregistrer en train de jouer de la guitare, réécouter l'enregistrement, voir, OK, à tel endroit, ça a bien été, à tel endroit, j'ai fait des fausses notes, donc je vais reprendre l'enregistrement, je vais réajuster le tir et je vais faire plus attention par rapport à tel passage de la chanson pour que ce soit plus ajusté. Et c'est la même chose en termes de canalisation. Les personnes s'écoutent, se réécoutent, se réajustent. En plus de la parole vibratoire, l'intégration de la vibration, ça se fait aussi dans l'action concrète dans la vie. Deux personnes peuvent s'entraîner ensemble et être des amis et discuter lors des sessions d'entraînement du fait qu'ils veulent apprendre à maîtriser la langue anglaise. Donc, il y en a un des deux qui s'inscrit rapidement au cours d'anglais la minute qu'il manifeste l'idée de suivre le cours d'anglais à voix haute et se met en action. Donc, la personne, elle agit rapidement en fonction de ce qui est son désir parce que là, la vibration de faire des cours d'anglais, puis l'autre aussi. Sauf que l'autre, il fait juste en parler. Il ne passe pas à l'action. Donc, les deux se revoient et puis, à un moment donné, ils discutent ensemble. Il y en a un qui est rendu qui a complété le premier cours d'anglais, le premier niveau. L'autre, il n'a encore rien fait. Il ne s'est pas inscrit au cours. Puis là, ensuite, il se revoit quelques jours après, quelques mois. Il y en a un qui est rendu au deuxième niveau, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Puis finalement, la personne a fait le tour des cours d'anglais qui étaient disponibles. Et tandis que l'autre, il n'a rien fait du tout, il parle toujours de son désir de faire des cours d'anglais, il a la vibration pour ça, mais il ne bouge pas. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un des deux qui passe à l'action, qui s'engage dans la vie de tous les jours pour faire les cours d'anglais, Et il apprend à partir de ça, il augmente de niveau, il fait niveau 1, niveau 2, niveau 3, tandis que l'autre fait juste en parler. Et les gens peuvent passer toute une vie à parler de ce qu'ils devraient faire et n'agissent pas. Donc, il y a des gens qui peuvent parler pendant toute leur vie qu'à un moment donné, ils veulent faire de la canalisation vibratoire, écrire un livre, mais ils ne le font pas parce qu'ils remettent tout le temps plus tard. Et ça, c'est le piège de la procrastination. Donc, autrement dit, si la personne est capable de percevoir une idée intelligente, comme de suivre un cours d'anglais pour maîtriser la langue anglaise qui est utilisée à l'international, il faut que par la suite, elle ait la volonté de le faire, puis de se mettre en action dans le concret, parce que sans ça, elle n'aura pas une intégration totale de la vibration qui vise à l'amener à passer à l'action. Parce que percevoir la vibration sans passer à l'action, c'est comme être extrêmement intelligent au niveau théorique, mais ne pas avoir d'intelligence au niveau pratique. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est comme quelqu'un qui caresse le projet pendant toute sa vie de faire des cours d'anglais, puis il le fait pas. Donc, c'est certain qu'il ne développera pas la compétence de parler en anglais parce qu'il ne s'implique pas concrètement dans l'action pour suivre des cours d'anglais. Donc, c'est la même chose par rapport à la parole vibratoire. À ce niveau-là, c'est sûr qu'une personne peut en contacter une autre dans le but de connaître un développement de conscience. Et si la personne qui contacte l'autre, parce qu'elle est motivée, là, elle veut s'éveiller et est mise en vibration aussi par rapport à ça, par rapport à son esprit, donc c'est pas juste un mouvement de l'ego. Donc la personne a vu se conscientiser et entre en contact avec une autre personne qui vit le processus. Cette autre personne-là peut lui dire, ben écoute, si tu veux te conscientiser, il faut qu'éventuellement tu sois capable de parler de n'importe quel sujet sur une vibration pour toi. Tu n'es pas obligé d'en parler au public, mais tu dois être capable d'aller au-delà des tabous, au-delà des préjugés. Comme par exemple, si tu as une question sur la sexualité, puis la personne a de la gêne ou de la timidité, il faut qu'elle soit capable d'aller au-delà de ça pour aller chercher sa réponse. Donc, aller au-delà de tous les obstacles pour que la personne soit en mesure d'avoir réponse à toute question pour être bien dans sa peau et évoluer. Donc, autrement dit, l'autre personne peut l'inviter à développer sa parole pour qu'elle soit en mesure elle-même d'accéder aux réponses par rapport aux questions qui émergent dans son mental. Donc, en plus d'être capable de lire la vibration, elle doit être capable de s'exprimer. Ainsi, l'autre personne peut lui proposer de réaliser un enregistrement de 10 minutes où elle prend la parole sur un sujet de son choix pour canaliser la vibration de son esprit. Parce qu'elle perçoit que la personne a le potentiel, elle a la capacité et que, à quelque part, ça va l'aider. Et l'autre, la personne qui veut se développer en conscience, elle a deux choix. Soit qu'elle fait l'exercice ou elle ne fait pas. Et c'est là qu'on va voir si cette personne-là va manifester ou non une volonté qui est affirmée. C'est un test. Si la personne a de la volonté, elle doit être capable de briser la glace et dire « Bon, même si je n'ai jamais parlé vibratoirement, je suis capable de le faire. » Fait que la personne, elle va s'exprimer pendant 10 minutes. Elle va manifester sa volonté en s'engageant dans l'action concrète qui consiste à produire un enregistrement. Mais si la personne, elle doute beaucoup d'elle-même, elle va hésiter, elle va dire « Ah, je me sens pas bonne, je me sens pas capable de le faire. » Elle va remettre ça à plus tard, puis finalement, il va avoir 2 ans, il va avoir 5 ans, il va avoir 10 ans qui vont passer, et elle ne l'aura jamais fait. Mais si la personne a une volonté, puis elle est déterminée à passer à l'action, quand même qu'elle ne l'a jamais fait, elle va être capable de passer au-delà de la peur de l'inconnu, de la peur du ridicule, pour se mettre en action et faire quelque chose de nouveau. Donc, elle ne restera pas sous l'influence de résistance et de mémoires anciennes. Donc, elle va s'émanciper, elle va manifester une créativité parce que quand on fait quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, ça implique la manifestation de la créativité. La personne qui peut accompagner l'autre dans le développement de sa parole vibratoire peut lui dire « Ben écoute, ton devoir, c'est de produire un enregistrement de 10 minutes et on se reparlera quand tu l'auras fait. » Ça peut aller dans 5 ans, ça peut aller dans 10 ans, ça peut aller dans 20 ans, mais quand tu l'auras fait. Donc, si la personne a la volonté de le faire, ils vont se reparler. Sinon, si elle n'a pas la volonté, ils ne se reparleront pas. Et si la personne n'a pas la volonté de faire l'enregistrement, c'est parce que quelque part, elle n'est pas assez mobilisée dans son processus de conscientisation pour passer à l'action. Donc, il faut que la personne Sois prête à passer à l'action. Et passer à l'action implique de surmonter des résistances, surmonter des peurs, surmonter des blocages émotionnels pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Résultant d'une conscience nouvelle et haute en vibration qui s'émancipe des conditionnements du passé. Donc, éventuellement, la personne qui se conscientise doit être capable de canaliser pour elle-même les réponses aux questions qui lui viennent en tête. Parce que, comme la pensée n'origine pas de l'humain, à la fois les questions et les réponses n'originent pas également de l'humain. Et ce qui lui donne la mesure qu'un enregistrement est satisfaisant, c'est la qualité vibratoire de l'enregistrement. S'il lui procure de la vitalité, de l'énergie, ça lui donne une piste. Ça lui donne un repère que l'enregistrement est bon, comme lorsqu'elle entend que la personne joue d'une manière juste d'un instrument de musique. Si elle dispose d'une oreille musicale, quand la personne entend des fausses notes, c'est quand la personne vibre à l'ego. Quand on entend de l'orgueil dans un enregistrement, c'est comme un petit peu des fausses notes pour l'oreille de celui qui développe une conscience vibratoire. Il ressent que la vibration est lourde, c'est pas tout à fait ça. Tandis que quand la personne est juste sur la note ou sur la vibration, la personne ressent de la vitalité, c'est automatique. Et par rapport à ma démarche, ce que je dois mentionner, c'est que pour ma part, je ne ferai pas éternellement des enregistrements sur Internet. Présentement, j'en fais et je les partage parce que je vis un processus d'intégration et de développement de ma parole dans l'action. Mais je ne ferai pas cela tout le temps, dans le sens que, un petit peu comme par exemple quelqu'un qui apprend à conduire, lorsqu'on apprend à conduire une auto, ça se peut qu'on en parle à ses proches, du processus qu'on fait, des apprentissages qu'on fait, mais une fois qu'on est capable de conduire l'auto, on n'en parle pas à tout bout de champ, donc c'est temporaire. Donc par rapport à ma démarche, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est temporaire. Si ça donne l'inspiration à d'autres personnes qui sont concernées par ça, qui ont la vibration de prendre la parole, eh bien tant mieux. Sinon tant pis, mais tous ces enregistrements que je produis depuis plusieurs mois sur cette chaîne ne sont que pour moi qu'un prétexte pour développer ma propre parole, parce que c'est à travers l'action, l'expression, à voix haute, que la parole se place et s'ajuste. Donc, ça fait partie de mon développement de faire ça, mais je ne ferai pas ça éternellement. À travers les enregistrements sur Internet, c'est sûr que mon but, c'est de toujours être capable de canaliser l'esprit. Donc, peu importe le temps, ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans, je suis intéressé à garder une parole qui est créative pour tout le reste de votre existence. C'est ça le point, mais le point de faire des enregistrements sur Internet continuellement, pour l'instant, ça m'intéresse, mais je ne peux pas garantir qu'à long terme, ça va être nécessairement le cas. En fait, ce qui est important et ce qui reste à la fin de la vie d'un individu par rapport à son passage sur Terre, c'est le fait d'avoir vécu ou non un contact conscient avec son esprit et que cette intégration de cette vibration se soit produite ou non. Et c'est ce qui va déterminer si par la suite, son âme va se loger sur le plan astral ou mental. C'est vraiment la qualité de son intégration vibratoire à travers sa parole et ses actions dans la vie de tous les jours qui va déterminer par la suite le statut évolutif de son âme lorsqu'elle ne sera plus dans le corps physique. Et là, par la suite, si la personne a intégré, eh bien, elle devient un agent libre qui voyage dans le cosmos parce que c'est un individu qui est autonome psychiquement. Cette âme conscientisée peut voyager par elle-même dans le cosmos et obtenir à chaque fois qu'elle en a besoin les réponses aux questions qui peuvent émerger dans son mental parce qu'elle était capable de le faire sur Terre. Alors que l'autre personne qui n'était pas capable de le faire sur Terre, eh bien, elle est bloquée parce qu'elle n'a pas des réponses à ses questions et elle n'est pas en contact avec le réel. Donc, à ce moment-là, elle doit se réincarner pour poursuivre le processus de développement pour en venir éventuellement à avoir une autonomie psychique. Lui permettant d'accéder au savoir de nature vibratoire, faisant en sorte qu'elle ne vive plus d'ignorance et qu'elle puisse avoir accès à toute information dont elle a besoin en tout temps.